Dossier 7. Leçon 1. Activité 12. Caroline, c'est toi ? Sophie, pas possible ! Ça alors, quelle surprise ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu viens pour une consultation ? Non, je travaille dans cet hôpital. Je suis infirmière maintenant. Comment ça ? Tu ne travailles plus dans la communication comme moi ? Je ne comprends pas. Oui, j'ai été formatrice en communication jusqu'en 2007. Mais j'ai voulu devenir infirmière. C'était un rêve d'enfant. Secrètement, j'ai toujours voulu m'occuper des gens, leur venir en aide, tu vois. Ah bon ? Et tu as des enfants maintenant ? Oui, j'ai une fille qui a 6 ans. Elle avait 2 ans quand j'ai décidé de changer de métier. Ça n'a pas été simple, tu sais. Quand j'ai annoncé que je reprenais des études, tout le monde m'a regardée presque comme une extraterrestre. Oui, j'imagine. Et ça t'a pris combien de temps, cette reconversion ? J'ai d'abord préparé le concours d'école d'infirmière. Je l'ai réussi en 2008. Et je me suis engagée pour 3 ans de formation à plein temps, sans rémunération. Et avec un enfant ? Quel courage ! Mes journées étaient chargées. Levée à 6h, crèche, cours toute la journée. Le soir, bain du bébé, repas, coucher à 8h. Et pour moi, devoir jusqu'à minuit. Heureusement que j'avais le soutien de mon mari. Ah, il t'a fallu une réelle motivation. Mais tu es heureuse. Tu fais ce que tu veux maintenant. Eh oui, parfaitement heureuse. Je suis la preuve vivante qu'on peut changer de métier quand on le veut vraiment. Mais dis-moi, à ton tour de me raconter ce que tu deviens, toi. Tu sais, moi, c'est toujours pareil. Hein, moi, si, je suis... raconte.